إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله وفكروا في أمركم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه ضيف كريم قارب الزوال وأوشك في الانتهاء والارتحال وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال فابتدروا عباد الله ما بقي منه بصالح الأعمال والتوبة إلى الله والاستغفار لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال لقد كانت أيام هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة والقيام وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام فمضت تلك الأيام الغرر وتلك الليالي الضرر كساعة من نهار فيا أسفا على تلك الليالي والأيام لقد مضت أوقات شهرنا صراعا وكان كثير منها في التفريط مضاعا فنسأل الله تعالى أن يخلف علينا ما مضى منها وأن يبارك لنا فيما بقي منها وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول والعتق من النار وبلوغ المأمور وأن يعيد أمثاله علينا في خير وأمن وإيمان عباد الله لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها علينا نعمة ربنا وشرع لنا ربنا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد فأما زكاة الفطر فهي صاع من طعام صاع من البر أو من الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين قال أبو سعيد رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وكلما كان هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء فهو أفضل وأعظم أجرا فطيبوا بها نفسا وأخرجوها من أطيب ما تجدون فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهي ولله الحمد قدر بسيط لا يجب في السنة إلا مرة واحدة فكيف لا يحرص الإنسان على اختيار الأطيب مع أنه الأفضل عند الله وأكثر أجرا ويجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى فأخرجوها عن أنفسكم وعن من تنفقون عليه من الزوجات والأقارب ويجب إخراجها عن الحمل لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن فإن أخرج عنه فهو خير والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسان جاهلا ولا تجزئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصة والواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيله في وقتها فإن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر إنما تخرج طعاما لا نقودا، ويدل على هذا ما يأتي. أولا حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أمره. وقال ابن عمر فعدل الناس عدله مدين من حنطة. وفيهما أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. والأحاديث فيها في هذا متعددة، بل عند البيهقي قوله أدوا صاعا من طعام في الفطر، وعند النسائي أن ابن عباس قال وهو يخطب على المنبر صدقة الفطر صاع من طعام. فهذه النصوص صريحة الدلالة على أن المشروع للمسلم أن يخرج صدقة الفطر من طعام، ويؤيده حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين. وقوله طعمة دليل على أن الإطعام مقصود للشرع في هذه العبادة، فكيف يصح مع هذا القول بأنه يجوز إخراج القيمة فيها؟ ويمكن أن يناقش قول المجيزين واستدلالاتهم بما يأتي. أولا أن هذا القول مصادم للنصوص، وهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي لا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. ثانيا أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم، فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وابن عباس يخطب على المنبر كما سبق بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك. ثالثا مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر كون النبي صلى الله عليه وسلم عين أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس ما من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال المرداوي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيامها، فدل على أن الاعتبار بالقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة، وأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه. فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان قيمة المنصوص عليه، دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه. رابعا أما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة، قال في قرة في كتابه، قال قرة جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه، كما روى أبو طالب قال لي أحمد لا يعطى قيمته. قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. وقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الحديث الذي ذكرناه سابقا. وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين، فيقال وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إخراج الصدقة طعاما ونهجهم أسد واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي أحد عليه. وخامسا، أما استدلال بالاستحسان، استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير، فهو استحسان في مقابل النص، في مقابل ما هو صريح من الكتاب والسنة، فهو مردود. ثم إن هذا التعليل كان قائما في العهد النبوي وفي عهد الصحابة، فهل يتصور هؤلاء أنهم في العهد الذي كان يعيشون في صحراء لا حاجة بهم إلا إلى الطعام؟ كلا، بل كانت لهم حوائج، كما أن الناس اليوم لهم حوائج، فهم يحتاجون إلى الكسوة والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج إلى آخره. فحاجات الفقراء آنذاك كانت متعددة كما أنها اليوم متعددة، فلماذا لا يشرع إعطاؤها نقودا مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلاف للشرع فهو مردود. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ثم إن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر، فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول إن إخراج زكاة الفطر طعاما هو الأرفق بالفقير، لأن في هذا سدا لضرورة أعظم ضرورة أعظم ضرورته من أعظم ضروراته. وأنا أعلم أن أسرا كثيرة تأكل مما تعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعا له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع. فإن قيل وماذا حاجته الأخرى، وهذا عن حاجاته الأخرى، قيل وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفيه حاجته الأخرى بزكاة المال أو بصدقة التطوع، والحمد لله. وأخيرا، فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده وبالأصلح لهم. وإن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعرف عليها المسلمون فيما بينهم، وبهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخير للمسلمين أن يؤدوها كذلك، فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, réfléchissez sur votre mois du Ramadan qui est en train de s'en aller. Il nous a filé entre les doigts, il est passé comme une flèche, et on l'a presque pas vu passer, tellement il est passé rapidement. Et aujourd'hui, on est presque à la fin. Alors réfléchissez sur ce qui est passé et réfléchissez sur ce que vous avez profité de ce mois en bonne action, parce que ce mois, il sera témoin pour vous ou contre vous au jour de la résurrection. Et donc, maintenant que la fin du mois du Ramadan approche, eh bien, essayez de profiter des derniers jours qui restent, des dernières heures qui restent, en continuant à faire des bonnes œuvres. Et par la repentance et le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, et peut-être que ça pourra compenser pour les manquements et les fautes et les défaillances qu'on a pu avoir pendant le reste du mois. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les jours qu'on a passés, qui ont été remplis de jeûnes, de rappels d'Allah, de la récitation du Coran, et dont les nuits ont été remplies de salat et de prières de nuit et de tarawih, donc l'état des pieux et des gens vertueux durant ces nuits-là sont remplis de piété et de bien. Mais les jours passent rapidement, comme on l'a dit, et donc c'était facile de laisser, de se laisser aller, ou bien de ne pas profiter au maximum de toutes ces nuits et de toutes ces opportunités de faire le bien. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous épargner, de nous pardonner pour ce qu'il y a eu de notre part comme manquement, et de compléter ce mois du Ramadan avec son pardon, et également d'accepter de nous les bonnes œuvres qu'on a faites, et de nous libérer de l'enfer et de nous faire atteindre son paradis, et de faire en sorte que on puisse jeûner d'autres années encore dans l'avenir avec foi et avec bonnes œuvres. Et sachez que dans la fin de ce mois, Allah Azza wa Jalla a légiféré pour nous certaines adorations qui sont très importantes pour les musulmans. Et entre autres, on veut parler de la question de la zakatul fitr, puisque c'est une adoration qui est ordonnée par Allah Azza wa Jal pour les croyants à la fin du Ramadan. Et la zakatul fitr doit être donnée en nourriture. Et la quantité qui doit être donnée, c'est une quantité basée sur un volume que les musulmans utilisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle une sa'. Donc une sa', c'est un volume et non pas un poids. Donc c'est très important de comprendre cette distinction. La sa' en arabe, une sa', c'est pas une quantité qui est basée sur un poids ou une masse. C'est une quantité qui est basée sur un volume quelconque. Et donc, selon la densité de la nourriture qu'on va y mettre, eh bien, elle va avoir un différent poids, selon la sorte de nourriture. Donc, si on prend un volume, le volume d'une sa' de dattes, eh bien entendu, ce ne sera pas le même poids que une sa' de riz, ou bien une sa' de farine, ou bien une sa' de semoule ou de lentilles. Chaque sorte de nourriture qu'on va mettre dans ce volume-là va avoir un poids différent et par conséquent également une valeur différente. C'est pour cette raison que c'est une erreur de voir que certaines mosquées, certains musulmans ont établi un montant pour une valeur de la zakatul fitr, alors que la zakatul fitr n'a pas une seule valeur. Elle peut avoir beaucoup plusieurs valeurs selon la sorte de nourriture qu'on donne, puisque c'est pas un poids, c'est un volume. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et la sunna dans l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est de donner une sa' de nourriture, soit de la farine, soit des dattes, ou peu importe qu'est-ce que les gens mangent de façon générale, de façon quotidienne dans le pays, si c'est du riz, si c'est de la farine, du couscous, du pain ou autre, eh bien, selon les besoins des gens. Et c'est rapporté selon Abu Saïd radiallahu anhu, il a dit, on donne la zakatul fitr, une sa' de nourriture. Et il a énuméré différentes sortes de nourriture. Il a mentionné l'orge, il a mentionné les dattes, il a mentionné, d'autres également. Et donc, chaque personne donne ce qu'il peut. Et de préférence, ce qui est meilleur. Et plus il donne de ce qui est de bonne qualité et bon, plus Allah Azza wa Jal va le récompenser. Et certaines personnes, parfois, ils demandent la quantité. Et c'est comme si on dirait que ils s'imaginent que s'ils donnent un peu plus, c'est un péché. Non. Plus vous donnez, mieux c'est. Même si vous dépassez, c'est pas grave. Le problème, c'est de pas donner suffisamment. Du moment que vous donnez plus, ou la quantité nécessaire, c'est ça l'important. Et donc, alhamdoulillah, le but de la zakat al-fitr, c'est de donner de la nourriture pour les pauvres, pour qu'ils puissent manger et célébrer le jour de Eid avec les musulmans. Et ce qui leur reste, eh bien, ça continue à les nourrir pour le restant de l'année, si même si c'est possible, de les nourrir pour plus longtemps, alhamdoulillah. Et donc, il est permis de donner à une famille la zakat al-fitr, de donner notre zakat al-fitr, c'est permis de la donner à une seule famille, ou bien c'est permis même de la diviser et de la donner à plusieurs familles en même temps, ou bien même, qu'est-ce qui est permis, c'est que plusieurs personnes donnent leur zakat al-fitr à la même famille. D'accord? Donc ça c'est, il n'y a pas de problème avec ça. Et zakat al-fitr, c'est obligatoire pour tous les musulmans, petits ou grands, hommes ou femmes. Donc si par exemple quelqu'un, il est le chef de sa famille, hein, le père de la famille, il va faire sortir zakat al-fitr pour lui-même, pour sa femme et pour ses enfants. Donc pour chaque personne qui fait partie de sa famille et qui est sous sa charge, eh bien il rajoute une autre quantité, une autre sa pour chaque personne. Donc supposons que une sa de riz équivaut à 2,3 kilos, eh bien à ce moment-là, si dans sa famille ils sont 5, vous multipliez par 5 et ça fait la quantité que vous devez donner. Hein? Donc 5 fois 2,3 kilos. Et donc vous allez voir la famille et leur donner cette nourriture-là. Alhamdulillah, on a réussi à rassembler une liste de personnes qui sont dans le besoin. Et vous pouvez prendre leur numéro de téléphone, leur adresse. On l'a affiché sous le babiar qui est à droite. Hein? Et donc, vous pouvez les contacter, leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est mieux pour vous comme nourriture. Après, vous allez l'acheter, puis vous allez leur porter, leur donner chez eux. D'accord? Et ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis qu'il y a des gens qui disent parmi les musulmans, on peut la donner en argent, hein, comme c'est le cas dans plusieurs mosquées qui demandent à chaque année. Cette année, ils disent, cette année, la zakat al-fitr, c'est 10 dollars. Hein? Et dans d'autres années, avant, ils disaient différents montants. C'est basé parce qu'ils se basent sur une sorte de nourriture. Ils vont prendre, par exemple, la date. Ils vont dire, bon, cette année, le kilo de date, il vaut tel prix. Donc, cette année, zakat al-fitr, c'est tel montant. Alors qu'en réalité, quelqu'un peut choisir de la donner en riz, ou en farine, ou en lentilles, ou en pois chiches. Et chacune de ces nourritures-là a un prix différent. Ça peut coûter plus cher que 10 dollars, ou ça peut coûter moins cher que 10 dollars. Mais l'important, c'est de donner une sa de nourriture. Et ceux qui croient qu'on peut la donner en argent, ou donner la valeur de la zakat al-fitr au lieu de donner la nourriture, ça c'est complètement rejeté. Et non seulement ça, mais celui qui donne la valeur en argent, il doit, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas fait sa zakat fitr. Il n'a pas donné zakat fitr. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait de la façon qui a été légiférée par Allah Azza wa Jal et ordonnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous avez donné 10 dollars, hein, en pensant que vous avez donné votre zakat ou le fitr, ben, dites-vous que c'est une sadaqa ordinaire. C'était pas zakat ou le fitr. Parce que zakat ou le fitr doit être donné en nourriture. Il faut que ce soit clair. Puisque tous les hadiths à ce sujet-là mentionnent de la nourriture. Aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne de l'argent. Donc ça c'est premièrement. Et ça c'est clair aussi également dans l'exemple des sahabas. Il n'y a aucun exemple des sahabas qui mentionne qu'ils ont donné autre chose que de la nourriture. Donc ça c'est déjà un ijma, un consensus à ce sujet-là. Et aucun d'entre eux n'a contredit cet ijma. Troisièmement, parmi les choses qui indiquent que zakat al-fitr doit être donné en nourriture et non en argent, l'exemple que nous avons mentionné déjà, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré différentes sortes de nourriture, et qu'une soie est un volume et non pas un poids, et que la valeur de zakatul fitr, elle est multiple. Il n'y a pas une seule valeur pour zakatul fitr. Donc ça, ça prouve que le fait de faire sortir la valeur de zakatul fitr, ça ne compte pas. Si on donne en argent, ça compte pas comme étant zakatul fitr. Et ceux qui se basent parfois sur une parole d'un savant ou d'un imam ou d'un khalifa, comme Omar ibn Abdelaziz, on a rapporté de lui qu'il avait dit qu'on pouvait donner la moitié d'un dirham à son époque. Et lorsque l'imam Ahmad a entendu cette parole, il a dit, les gens laissent la parole du messager d'Allah pour suivre la parole d'un tel ou un tel. Donc on n'a pas le droit de laisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths authentiques et la sunna et l'exemple des sahaba, on laisse ça de côté, puis on suit la parole d'un tel ou un tel parmi les fuqaha à cause d'un ijtihad qu'il a fait, qui contredit le Coran et la sunna. Donc ça, c'est pas correct. Et il faut savoir que l'ijtihad, il est seulement permis lorsqu'il n'y a pas de texte explicite. Mais une fois qu'il y a un texte clair et explicite à propos d'une question, l'ijtihad est interdit. Et donc ça, c'est clair, faut comprendre bien comme il faut cette chose-là. Et il est possible que des savants se trompent lorsqu'ils font des fatawa ou des ijtihad. Ils peuvent se tromper. Et si nous, on les suit dans leur erreur, eh bien, on ne sera pas pardonné. Hein? Donc, il faut savoir ça, c'est très important. Aussi, il faut savoir que certains disent, l'argent est plus bénéfique pour les pauvres que la nourriture. Parce qu'avec l'argent, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argent, elle existait aussi. Et les gens en avaient besoin. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il n'a pas permis aux gens de donner zakatul fitr en argent, alors que l'argent existait et que le besoin existait. Ça, c'est la preuve que zakatul fitr doit être payé en nourriture. Et également, il faut comprendre que la nourriture, c'est vrai que ça, c'est une des nécessités de la vie. Et le fait de donner ça en nourriture, ça comble un des grands besoins des pauvres. Si on leur donne de l'argent, parfois, peut-être qu'ils vont pas l'utiliser pour des choses qui sont bénéfiques pour eux. Tandis que la nourriture, c'est quelque chose, tout le monde en a besoin. Et celui qui insiste absolument à vouloir donner de l'argent, eh bien, il y a plein d'autres sortes de sadaqat qu'il peut donner. Et zakatul mal aussi, la zakat de l'islam qu'il peut donner aux pauvres. Donc, pourquoi insister à vouloir donner zakatul fitr en argent, alors que si tu veux vraiment donner de l'argent, quand tu vas donner ta zakatul fitr, mets une enveloppe d'argent avec. Comme ça, tu vas donner de l'argent absolument, tu veux absolument donner de l'argent, donne de l'argent. Mais ça s'appelle pas zakatul fitr. C'est ça qui est important de comprendre. Tu veux donner zakatul fitr? Zakatul fitr, c'est en nourriture. Tu veux donner de l'argent? Tu donnes de l'argent. Mais l'argent et zakatul fitr, c'est deux choses différentes. C'est ça que vous devez comprendre. D'accord? Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Pourquoi? Parce que cette ibada, hein, c'est comme les autres ibadat dans la religion. On n'a pas le choix de les faire comme on veut. De la même manière qu'on peut pas faire la salat comme on veut, on peut pas faire le ramadan comme on veut, il y a des règles à suivre, des conditions à respecter. Et donc, la ibada de zakatul fitr, c'est la même chose. Et également, pour terminer, juste un rappel, je vous encourage, comme je m'encourage moi-même, à continuer à faire des bons efforts et à continuer à être assidu aux prières, de venir à la mosquée plus régulièrement et de continuer les efforts d'adoration et de bien comme on l'a fait durant le ramadan. Et j'espère que je vais continuer à voir tous les frères que je voyais tous les soirs qui venaient faire tarawih, qu'ils vont continuer à fréquenter la mosquée régulièrement et qu'on va se voir hebdomadaire, de façon hebdomadaire, ou du moins peut-être même quotidienne, inshallah. Donc que Allah Azza wa Jal accepte. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.